On va parler, il y a une légende du sport à Montréal qui est décédée au cours des derniers jours. Je dois vous admettre que je ne le connaissais pas du tout. C'est Randy Tillman, qui était le présentateur des nouvelles du sport à CFCF, qui était là depuis un bon 34 ans à l'antenne de CFCF. Je ne connaissais pas du tout, mais j'ai partagé sur les médias sociaux, la nouvelle. Il y a eu beaucoup de réactions et j'ai décidé de parler avec une personne qui l'a connu, qui l'a côtoyé. C'est Pierre Miquelon. Pierre Miquelon qui a déjà travaillé à Radio Mutuelle. Bon matin, Pierre. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Pierre, tu l'as connu, Randy Tillman. Quand on parle d'une légende, est-ce que c'est vrai? Ben, c'est sûr que Randy était un homme qui, en fait, qui ressortait du lot parce que il accordait énormément d'importance au sport amateur. OK. Il y avait un segment dans son bulletin de sport qui était réservé qu'à ça. Et souvent, ce qu'on appréciait beaucoup, c'est que Timon, qui s'assoyait à côté de la plus grande vedette sportive du sport professionnel ou d'un petit jeune hockeyeur de 12 ans, il lui accordait la même importance. Oh. Et ça, c'était flagrant. C'était remarquable. C'est un gars qui aimait également beaucoup utiliser l'humour dans ses reportages, OK. ce qui fait en sorte que ses topos, en fait, avaient une saveur très particulière, détonnaient du lot, et comme je vous dis, avait toujours un brin d'humour pour conclure ses reportages. Moi, ce que j'ai remarqué de Randy, parce que je ne connaissais pas du tout, je suis allé sur CFCF, je suis allé voir le topo qu'ils ont fait sur sa mort. C'est un gars qui semblait, il semblait pas se prendre au sérieux du tout, là. Puis, tu sais, il y en a combien dans ce métier-là qui se prennent au sérieux? Ben oui, j'en connais un de votre région d'ailleurs que je nommerai pas. Mais bon, non, Randy était, en fait, c'est un gros Ouais. nounours. C'est un bonhomme qui avait un visage très rond, qui, tu sais, qui était corpulent, qui avait peut-être une vingtaine de livres en trop. Mais c'est un gars qui riait continuellement. Quoique, quand la cloche sonnait, quand il était le temps de faire le boulot, il était parmi les plus professionnels des journalistes que j'ai jamais connus. OK. Randy, ce que j'ai remarqué aussi tantôt, ce que tu as dit, il laissait beaucoup de place au sport amateur. Jamais. Énormément. Rarement, puis c'est ça que les gens déplorent dans le monde des médias, c'est que le sport amateur est pas couvert. On s'intéresse qu'à eux pendant 4 ans. C'est ça que j'ai reconnu tantôt, là. Ben Aux 4 ans. oui, mais en fait, si tu fais allusion au cycle des Jeux olympiques, c'est une chose. Mais Timon, en fait, le segment le dit tout. Le segment dont je te parle, où la lumière était faite sur les jeunes sportifs amateurs, le segment s'appelait Randy's Rookies, les recrues de Randy. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Autrement dit, ces points d'intérêt, comment est-ce que je dirais ça, non, excluaient bien souvent les vedettes. Lui allait chercher monsieur ou le petit gars ou la petite fille de monsieur et madame tout le monde qui pratiquait un sport X. Ça pouvait être un sport aussi. Inorthodoxe que le boulingrin, tu sais, ou je sais pas, moi, le jeu de poche. Il sortait de l'ordinaire. C'est un gars qui avait énormément de ressources et d'imagination. Du côté anglophone, écoute, je l'ai vu, sa perte également. 2017, il a pris sa retraite. Donc, c'est tout nouveau, là. Je veux dire, c'est comme dans bien des cas, là. Ben. C'est comme ben, le gars prend sa retraite, tombe malade et décède. 64 ans, c'est Oui, très ben en jeune, là. fait, je vais peut-être faire deux rectifications. D'abord, il n'a pas pris sa retraite, il a été mis à la Oh, retraite OK. quand CTV a décidé de fermer carrément son bureau de ou en fait son pupitre de sport à Montréal. Alors, trois journalistes avaient été mis à pied. Randy était un de ceux-là. Il était le directeur des sports. Et autre chose, c'est que Randy a été un homme excessivement malade. Tu sais, je me rappelle d'un épisode au milieu des années 90, si ma mémoire est bonne, où en l'espace de, tu sais, je dirais peut-être 18 mois, peut-être 2 ans, coup sur coup, méningite, quintuple pontage coronarien, et puis la maladie de Hodgkin's. Okay. Et il s'en est relevé, et je me rappelle que très peu de temps après le pontage coronarien, il était sideless puis il jouait au hockey. Mm. Ouais. Alors c'était un bon vivant. D'ailleurs, en fait, ce qu'il disait, c'est que les médecins lui avaient recommandé de vivre sa vie normalement. OK. Oui, perdre du poids, oui, mais tu sais, pas s'empêcher de rien faire, de poursuivre sa vie normale. C'est ce qu'il a fait. C'est un maudit bon vivant. OK. On le voit dans le topo, d'ailleurs. Là, je risque de me répéter. Ben, Pierre, un gros, gros merci. 64 ans, c'est très, très jeune pour décéder. C'est vraiment une triste nouvelle dans le monde du sport anglophone. D'ailleurs, on a vu sur les médias sociaux le Canadien qui l'a salué. Même Justin Trudeau. Sur Twitter. Ouais. Donc, ça veut dire que le gars devait représenter quelque chose, là. Énormément apprécié et par la communauté francophone, hein, trompez-vous pas, à Montréal, c'est peut-être pas le même genre de marché, mais le téléspectateur typique à Montréal va écouter autant les anglophones que les francophones. Et Randy Thiemann était connu des francophones, il était particulièrement aimé du groupe de journalistes qui couvre le sport à Montréal, toutes langues confondues. Ouais. C'était un gars très agréable et très, très apprécié. Ben, Pierre Miquelon, un gros, gros merci pour le plaisir de se reparler. Peut-être une dernière chose. Il reste dans le deuil ta femme, Liane, et ses quatre enfants. Quatre enfants, déjà, 64. J'en reviens pas. Ouais. Pierre, un gros merci pour s'en reparler. Ça me fait bien plaisir. Pierre Miquelon, qui a connu Randy Thielman, qui est décédé dimanche à l'âge de 64 ans.